Mes amis, j'ai vécu une expérience de fou hier soir. Figurez-vous que j'étais tranquillement chez moi en train de relire le guide de l'humiliation de la Rada 190 leçons. Ah, c'est genre de la journée de la femme, on n'est jamais trop prudent. Et que vient de relire et de revoir ces classiques. Quand d'un seul coup, on frappe à ma porte. Ah, je vais ouvrir. Qu'est-ce qui vient m'emmerder en pleine séance de révision? Bonjour, bonjour. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux, Valérie? Rien du tout, je vais juste dire un petit bonjour, bonjour. J'espère vous dérange pas, moi. Bah, c'est-à-dire, si, un peu, je suis en train de réviser. Nous sommes à moins d'une semaine de la journée de la femme, alors je tiens à être au point. Alors, si je peux me permettre, mon cher Helmut, laissez-moi vous dire que pour la journée de la femme, vous en surprendriez plus d'une si vous deveniez un vrai gentleman. Ah, le vieux m'a pris la tête pour que je sois romantique. Vous avez entendu, mes amis? Romantique? Et puis quoi encore? Poli pendant qu'on est dans le délire? Alors bien sûr, comme je suis un homme de challenge, j'ai voulu lui prouver qu'être romantique, c'était facile et c'était quand je voulais. Ah, il m'a mis au défi le crotal. J'ai mis un peu de musique et je me suis lancé comme si en face de moi j'avais une poule le soir de la fête de la femme. Je vous assure, madame, que je passe à votre compagnie une soirée délicieuse. Vous m'avez fait la grâce d'accepter de dîner avec moi, c'était déjà enchanteur. Mais maintenant que je vous connais mieux, c'est l'ivresse qui envahit mon être. Vous n'êtes pas seulement belle, vous êtes aussi splendide. Splendide de beauté, de charme et d'élégance, mais également splendide de vivacité, d'à-propos et d'humour. Madame, cette soirée est un feu d'artifice dont le bouquet final sera votre orifice. Stop! J'arrive. Oh, ça m'entache, c'est bien, et boum, vous dérapez à la fin. Reprenez-vous, mon chat. Ah, je suis désolé, mais... Ah, c'est dur, tu sais, Valérie. Bon, je vais me reprendre. Allez, allez, on se concentre. Ah, je suis prêt. Passons. Passons donc au salon pour prendre une tisane, et que sur le canapé, je vous prenne comme un âne. Elle monte enfin. Oh, merde. Oh, j'y arrive pas, bordel, le Bundestag. Allez, allez, on se concentre. Vous voulez une petite pastille Vichy pour vous aider? Ah, fous-moi la paix que tes pastilles de merde! C'est bon, je vais y aller. Moi, d'abord, un petit schnapps pour me détendre. Et si nous allions faire un tour sur mon lit? Helmut? Je te décoifferai, j'enlèverai tes habits! Vous égarez, Helmut. Bien sûr, je t'attacherai comme un gros salami! Ça sent le feu d'hiver, Helmut. Je te chevaucherai comme un mal appris! Helmut, ressaisissez-vous. Une fois l'amour conclu, sur toi je ferai pipi! Alors, c'est n'importe quoi, Helmut, je suis très déçu. Bon, je crois que c'est raté pour le romantisme. J'arrive pas à tenir la distance plus de 10 secondes. Mais si tu y arriveras. Non, et puis merde, je m'en fous, je vais rester moi-même! Oh, c'est là que je suis le meilleur! Oh, vilain zèle!